Sur le point de chavirer, flottant dans l'inconnu, en lumière que l'on trace d'un trait sombre, on surfe sur de vagues impressions. Éternel passager, sublimé par les néons de la ville, effrayé par le néant de la vie. Nous tenons dans nos mains une mémoire d'expatriés, renfermant tant d'images qu'on peut toutes les trier. Fidèle sentinelle d'un donjon dans le blizzard, l'étendue que l'on scrute est la contrée du bizarre. C'est le rire d'une hyène, c'est le chant d'une mésange, c'est l'amour et la haine qui forment un cocktail étrange. C'est un mal pour un bien, c'est la raison pour un fou, c'est le musicien du rien qui compose le grand tout. À nos nuits bleues, à nos jours gris, à l'étoile bipolaire qui nous survit. À nos jours gris, à nos nuits bleues, à ces soleils lunaires brillant de mille feux. À nos nuits bleues, à nos jours gris, à l'étoile bipolaire qui nous survit. À nos jours gris, à nos nuits bleues, à ces soleils lunaires brillant de mille feux. Parmi des milliards, tous X dans l'équation, goutte de pluie venue du pays des moissons. Nos horizons multiples infiniment se dévoilent, comme l'océan austral sous l'aurore boréale. Le rayon incident, reflet d'un miroir sans teint, d'une voix ancestrale nous raconte l'histoire sans fin. Celle pour qui nous sommes, ce que demain est à hier. Une couleur qui découle d'un jeu d'ombre et de lumière, qui s'étale sur les murs de la rose des vents, qui s'échoue sur les parois de la prose des temps. Ainsi jardin secret, bien gardé du firmament, le monde qui nous entoure est comme le brut du diamant. C'est la misère des rues à la clarté du sacré, c'est attendre toujours ce qui ne saurait tarder. C'est la chute d'un boxeur qui pour de bon descend du ring, c'est la victoire d'un poète qui met un point au champ du cygne. À nos nuits bleues, à nos jours gris, à l'étoile bipolaire qui nous survit. À nos jours gris, à nos nuits bleues, à ces soleils lunaires brillant de mille feux. À nos nuits bleues, à nos jours gris, à l'étoile bipolaire qui nous survit. À nos jours gris, à nos nuits bleues, à ces soleils lunaires brillant de mille feux. Alors, puisque je vis, puisqu'on ne va pas demander mon avis, autant que ça soit joli, autant que ça serve un petit peu à des choses. Des toutes petites choses, des choses sans importance. Enfin, sans, comme les grandes choses qui sont également sans importance. Tout ça n'est pas sérieux. Puisque je vis, autant que ce soit joli, autant que c'est une jolie couleur. Qui nous survit. À nos jours gris, à nos nuits bleues, à ces soleils lunaires brillant de mille feux. À nos nuits bleues, à nos jours gris, à l'étoile bipolaire qui nous survit.